Bigira. Avec Albert Ndouaï à la mise en onde, bonsoir amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette première édition de la soirée de ce 5 janvier 2022. D'abord les grands titres. La lenteur observée dans l'octroi des documents de voyage objet de lamentation au commissariat général des migrations n'est due qu'aux effectifs élevés de ceux qui en demandent. Vous entendrez les explications du commissariat général des migrations avec le commissaire général Maurice Mbonima. La route nationale numéro 7 Bujumbura-Ijenda est délabrée sur différents niveaux, ce qui cause des accidents de roulage selon les usagers de cette route. Et l'agence routière du Burundi reconnaît cette situation pour les routes principales, mais avec des propos rassurants, vous l'entendrez. Six présidents des coopératives de riziculteurs encadrés par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo dont sont détenus au commissariat de police à Bubanza. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné les fonds de ces coopératives. Et dans la chronique, par les rassure-moi de ce mercredi, on va vous parler des valeurs d'Ubuntu. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, la lenteur dans l'octroi des documents de voyage au commissariat général des migrations est due à l'effectif élevé des demandes de ces demandeurs de ces documents. Selon les explications du commissaire général des migrations dans un point de presse de ce mercredi, concernant les problèmes de ressources humaines et le manque de transparence dans la passation des marchés publics est parfois évoqué. Le commissaire de police principal Maurice Mbonima le nie catégoriquement. Mireille Kanyang. Lors de ce point de presse ce mercredi, le commissaire général des migrations a réfuté tout problème technique ou de ressources humaines. CPP Maurice Mbonima rejette en outre l'opacité dans la passation de marchés publics pour les documents de voyage. Oui, nous entendons déjà qu'il parle des affaires des marchés publics qui traînent. Nous voudrions donner la lumière sur cette question. Il n'y a pas de problème de passation de marché public dans cette question. La société qui avait le contrat de fabriquer les documents de voyage avec le gouvernement, cette société a terminé son travail au mois de mai 2021. C'est-à-dire que le contrat qui liait le gouvernement et cette société est terminé depuis le 24 mai 2021. Les demandeurs de ces documents ont augmenté, explique CPP Maurice Mbonima. Il promet que son commissariat trouvera solution à ce problème avant la fin de ce mois, vu les commandes déjà passées. Cette année, on a vu les demandeurs augmenter du jour au jour. C'est pourquoi la prévision annuelle de l'année 2021 se termine presque dans 6 mois. Et c'est pourquoi nous avons fait des commandes de conséquences pour que nous puissions servir tout le monde sans problème. Nous promettons que le plus tôt possible, dès que notre commande arrive, on va régler le problème, au moins au plus tard, au fin janvier. Des mesures, annonce-t-il, ont été prises pour décourager certains commissionnaires fournissant des documents frauduleux. Mireille Kanyang, des nids de poules s'observent sur la route nationale numéro 7 Bujumbura-Ijenda jusqu'au chef-lieu de la commune Nyabiraba en province Bujumbura. Sur cette route, au niveau de la localité dite Nikora, en commune Kanyosh, la route est affaissée. Les usagers de cette voie affirment que ce délabrement accentue l'amortissement de leurs moyens de déplacement. Ils déplorent aussi la fréquence des accidents dus à cet état de fait et sollicitent l'intervention de l'agence routière du Burundi. C'est un reportage signé Moïse Emisako. Sur cette route, depuis la colline Ruyaga et de la commune Kanyosha jusque dans la localité dite Mnikora, la route est délabrée à différents niveaux. La route est délabrée dans certains endroits. Quand nous transportons un malade, il arrive à l'hôpital étant plus grave. Au-delà de cet endroit, la route s'est effondrée. Les transporteurs des personnes et des biens qui exploitent cette route estiment que le glissement de la montagne serait la cause de cet affaissement. Après la réhabilitation de cet endroit, la route s'est effondrée. Souvent, des remorques glissent. Quand il a plu, des camions glissent sur cet affaissement. C'est comme s'il y a deux routes. On ignore si c'est la pluie ou à cause du glissement de la montagne. Tout près de la paroisse Buhonga, les volontaires essaient de boucher ces nids de poules à l'aide de la terre. Nous avons été touchés par des parents victimes des accidents ici. Moi aussi, peut-être victime de l'accident sur cette route. Nous sommes des volontaires. Ceux qui reconnaissent notre tâche vont nous récompenser. Sur cette même route nationale numéro 7, Bujumbura-Ijenda, entre 15 et 16 km à l'endroit communément appelé Basekeza, toujours dans la commune Kanyosha, la route est menacée d'effondrement. La bande droite de cette route risque de se couper. Deux véhicules ne peuvent pas passer parallèlement selon cet habitant de la localité. Nous avons des inquiétudes et le risque de se couper ou la circulation peut à tout moment être interrompue. Maintenant, deux véhicules ne peuvent pas y passer en même temps, l'un doit attendre l'autre. Sur la même route, dans la commune Nyabiraba, à l'endroit dit Kujichuminindwi, des nids de poules réapparaissent. Des usagers de cette route précisent que le délabrement de cette route cause parfois des accidents. Ces nids de poules causent des accidents ici à Nyabiraba. Nous constatons souvent des cas d'accidents. Quand les véhicules les échappent, ils se retrouvent dans l'espace réservé aux piétons et causent des accidents. Tous ces usagers de la route nationale numéro 7 Bujumbura-Ijenda sollicitent l'action de l'agence routière du Burundi pour la réhabilitation de cette infrastructure. Moïse Misago, c'était direction générale de l'agence routière du Burundi, n'a pas tardé à réagir. Il reconnaît que certaines routes principales sont vétustes. Ingénieur Régis Mawinayo, directeur général de cette agence, dit cependant que certaines infrastructures routières sont en cours de réhabilitation. Il fait pourtant savoir que les travaux de construction et de réhabilitation des routes coûtent énormément cher. Suivez Ingénieur Régis, directeur général de l'agence routière du Burundi. On a un réseau routier qui est relativement important et ce réseau routier évidemment a été construit pendant presque une même période et quand ces routes se dégradent, ça va se dégrader évidemment presque au même moment. Alors il y a des réhabilitations qui ont débuté et nous avons déjà commencé. Vous savez que la route nationale numéro 5 est en cours de réhabilitation. La route nationale numéro 3, elle est en cours de réhabilitation aussi. Il y a la route nationale numéro 16 qui est en cours de construction. La route nationale numéro 18. Les autres aussi, les études sont en cours. La recherche de financement sont en cours. La réhabilitation des routes, souvent, ça coûte énormément cher. Il y a les financements qui viennent du gouvernement du Burundi. Il y a les financements qui viennent des bailleurs habituels du Burundi comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Il y a aussi les financements qui viennent des dettes contractées par le Burundi auprès d'autres bailleurs. Les routes prioritaires, ce sont des routes qui ont une importance économique. Il y a des routes aussi stratégiques. Quand je parle des routes d'une importance économique, je parle premièrement de la route nationale numéro 1 et la route nationale numéro 2 qui permettent de lier les deux capitales, la capitale politique et la capitale économique. On peut parler de la route Bujumbura-Kovero, c'est une route d'une grande importance économique. Il y a la route nationale numéro 3 qui est déjà en cours de réhabilitation. Il y a d'autres routes comme la route pour désenclaver les régions comme Kumoso. Il y a une autre route dans la région de Muyinga-Kirundo, c'est pour relier Kovero-Kirundo. Donc ce sont des routes très importantes. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 18h10 dans les cieux de la radio Isanganiro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via le www.isanganiro.org. Page commerce à présent. On éprouve d'énormes difficultés pour trouver du ciment à Karusi. Les demandeurs de ce produit indiquent qu'une fois ils trouvent le ciment de type Wuseko, ils achètent entre 28 000 et 32 000 francs burundais. Le sac de 50 kg et déplore que des fois ce ciment est rechargé pour d'autres destinations. Le conseiller du gouverneur contacté affirme que la question sera bientôt vidée pour qu'il soit vendu au prix légal. Le ministère du commerce demande à l'entreprise de fabrication du ciment Wuseko de surseoir à la hausse du tarif de ses produits. Dans une correspondance parvenue à notre rédaction, ce ministère a fait remarquer à cette entreprise qu'elle bénéficie des avantages fiscaux et douaniers et que donc une hausse brusque d'un produit aussi sensible que le ciment est préjudiciable aux consommateurs locaux. Les détails avec Jean-Marie Mayong. Le ministère du Commerce et du Transport de l'Industrie a suspendu la mesure de la hausse des prix du ciment Bosseco dans une correspondance de ce 4 janvier 2022 que le ministre Marie-Chantal Nijimbele a adressée au directeur général de Burundi Cement Company Bosseco, rappelle à cette entreprise qu'elle a bénéficié de certains avantages comme ceux qui ont été signés en date du 3 avril 2008 et en date du 23 mai 2013. Même s'il a été signé en avenant la dite convention pour une période additionnelle de 5 ans qui devrait commencer le 1er janvier 2016. Le 21 janvier 2020, l'avenant numéro 3 a été signé pour prolonger à nouveau des avantages fiscaux et douaniers accordés à l'entreprise Bosseco. Sur ce, le ministère du Commerce demande à l'entreprise Bosseco de surseoir d'abord l'application de la mesure de la hausse des prix du ciment Bosseco afin de mener une concertation pour déterminer les modalités de cette révision en se basant sur le coût de production ainsi que la capacité de production de l'entreprise. Le ministère termine dans sa correspondance à demander à l'entreprise d'éviter toutes sortes de spéculations lors de la commercialisation de leurs produits. Rappelons que la société de cimenterie du Burundi Bosseco avait revu à la hausse le prix de son produit selon le communiqué sorti vendredi dernier, précisant que le ciment Bosseco type 32.5 résistance passe de 24 500 francs bouts par sac de 50 kg à 27 500 francs bouts et le ciment 42.5 résistance passe de 30 000 francs bouts à 33 000 francs bouts par sac. Marie Mayonga Bobanza, c'est présidente des coopératives horticulteurs encadrées par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo SNDI. Sont détenus au commissariat provincial de police à Bobanza depuis bientôt une semaine. Ils sont accusés de mauvaise gestion et de détournement selon des sources proches de ces coopératives. Au parquet de Bobanza, on explique que ces 6 responsables des coopératives ont été arrêtés pour enquête sur la gestion des biens de ces coopératives. Spes Caritas Cabañana, correspondance. Les 6 présidents des coopératives avaient été appelés mercredi de la semaine passée, comme s'ils se présentaient en réunion à Bobanza, et ils se sont retrouvés devant des mandats d'amener. Ils ont été conduits au commissariat provincial de police, même si certains d'entre eux semblaient résister, selon les témoins sur place à Bobanza. Ils sont responsables des coopératives du village 3, village 4, village 5, village 6 de la commune Gihanga, ainsi que les coopératives de Nyamabere et Rubira en commune Manda. Et ce sont des coopératives dans lesquelles sont regroupés les riziculteurs encadrés par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SLDI. Selon les sources proches de ces coopératives, ils sont accusés de mauvaise gestion et de détournement, du moins pour certains d'entre eux, des avoirs de ces coopératives. À la SRDI, Félix Abonimana, directeur général, fait savoir que ces personnes ont été arrêtées après des enquêtes effectuées dans ces coopératives. De même, le procureur de la République à Bobanza, sans donner beaucoup de détails, il nous a expliqué ce mardi que les 6 personnes sont détenues après une audite réalisée par ANACOP, Agence nationale de régulation des coopératives au Burundi, et les enquêtes continuent à base de ce rapport de ANACOP selon le procureur de la République à Bobanza. Spes Caritas Kabanyana, Bobanza, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Dans la chronique Parle et rassure-moi de ce mercredi, nous allons vous parler du rôle des valeurs d'Ubuntu, définies comme tout ce qui fait l'objet d'une préférence morale par les membres de la société. Le socio-anthropologue Lambert Hakuziyaremye trouve que ces valeurs sont des mécanismes idéaux dans la lutte contre la prolifération des messages haineux. Selon lui, la Commission Vérité et Réconciliation devrait promouvoir les gens qui se sont distingués positivement des autres dans l'histoire du passé par rapport aux valeurs d'Ubuntu pour encourager les générations présentes et futures à l'unité. Orunera Mucho. Le concept d'ubuntu est l'une des caractéristiques des individus, définissant ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne peuvent pas oser faire. Le socio-anthropologue Lambert Akudiaremye appelle certaines de ces valeurs humaines, entre autres le respect, l'entraide, la fraternité et l'affection, et l'amour envers d'autres êtres humains. Il affirme que ce concept d'ubuntu est d'une importance capitale, surtout dans une société post-conflit. C'est un élément qui nous rappelle que, après tout, si on est des humains, on doit chercher toujours à cohabiter pacifiquement. Donc, c'est pourquoi ce concept est très fondamental dans la vie des individus, et surtout que le concept d'ubuntu, c'est cet élément-là qui nous fait repenser sur les éléments à traiter, notamment la morale humaine à développer pour retrouver la cohésion qui a été remise en cause dans des contextes de conflit. Il faut que les gens s'entraident mutuellement, il faut que les gens cherchent à résoudre pacifiquement les conflits. S'il y a des ça ne va pas, c'est bien que les gens puissent réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire pour essayer vraiment d'être pacifiquement dans les esprits. Selon lui, valoriser les gens modèles d'ubuntu ou les piliers de l'humanité comme ceux qui ont pu sauver des vies humaines sans considérer leur ethnie dans l'histoire douloureuse du passé limite la propagation des messages haineux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus la tendance de montrer que les Bahutus ont tué les Batutsis ont tué les Bahutus. Donc, une façon de globaliser la situation. Mais on oublie que dans ce contexte, il y avait vraiment des gens qui ont défendu la valeur de l'ubuntu en essayant de sauver les autres individus, même indépendamment de leur appartenance ethnique. Donc, c'est pourquoi valoriser ces modèles, c'est vraiment une chose très fondamentale. Et même les chercheurs, les spécialistes du changement des mentalités, ils l'ont souligné en montrant que pour qu'il y ait changement des mentalités, la valorisation des modèles, vraiment, c'est une chose très fondamentale. Il faut qu'on puisse recueillir leurs témoignages et les partager afin que la jeunesse puisse entendre que malgré le passé déroulé du pays, il y avait vraiment des gens qui ont aussi soutenu le debout et défendre la valeur de l'ubuntu. Le socio-anthropologue Lambert Akudiaremye trouve qu'il y a des valeurs qui doivent caractériser des êtres humains et surtout pour les différencier des animaux. La valeur de l'ubuntu leur permet de cohabiter pacifiquement et s'entraider mutuellement. Ornella, mucho. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Eli, Nibel, Nibigira, c'est un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Albert Ndoa était à la mise en onde. Excellente soirée à tous. Je vais vous retrouver à 22h pour la toute dernière édition de la soirée. Au revoir.